se réjouit de retrouver l'invité mystère et l'intervieweuse mystère, dont on a un peu spoilé le nom il y a quelques minutes, mais les voici. Alors, bonjour. Bonjour. Il s'installe gentiment, les casques et tout ça. Voilà. Anouk, tu nous entends? On a révélé de nouveau notre prénom. Non, mais les indices. Il n'y a rien à gagner en tout cas. N'appelez pas s'il vous plaît au numéro. Il y a un buzz mystère. Aussi. Oui, il y a un buzz mystère, mais c'est que pour nous ça. C'est que pour nous. Ouais. Je crois que c'est lui ou moi en fait ensemble. Oui. Mais moi aujourd'hui j'ai pas de buzz mystère. Ah oui. Moi j'entends pas. Non. Vous avez? T'entends encore? Oui. Le buzz? C'est peut-être un acouphène. Ah oui. Bon, en tout cas, bienvenue. Ça va, ça se passe bien, cette arrivée à Archipel, parce que je crois que vous êtes là depuis hier, tous les deux. Oui, bon, on est rentrés quand même, enfin, chacun. Oui, vous n'avez pas dormi ici? Non. Pas tout à fait. Et donc, je ne sais pas si, Jonathan, est-ce qu'on peut révéler qui sont ces nos deux invités mystères et en dire un peu plus. Donc, on est avec Antoine Leng, qui va jouer ce soir, hein. Avec Mariachi qui était avec nous il y a quelques minutes et avec Anouk Janton ouais. Voilà, qui va interviewer Antoine. Donc on est très heureuse que vous soyez là. On vous écoute. Nous aussi. Le mystère est assez vite levé en fait. Oui. Bah oui. Oui, c'était pas facile à garder. Ouais. J'espère qu'Anouk, tu n'avais pas préparé un jeu autour du mystère. J'avais pensé des choses, mais... On peut faire comme mais si. C'est pas grave. On fait comme si. Je m'étais dit comment je vais m'adresser à Antoine sans le nommer. Jamais. On peut compter sur l'amnésie des gens. Oui, et puis ceux qui prennent l'émission en route, peut-être. Exactement. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors pour ceux qui prennent l'émission en route, tout est très mystérieux. On ne vous dira pas qui ils sont. Qui parle? Qui parle? Donc, je suis à côté d'une personne mystère. Bonjour. Et... Bonjour, personne mystère. J'ai envie de commencer par une citation de cette personne mystère qui dit que, à défaut de savoir quoi, je m'en tiens à savoir à peu près comment. Oui. Et alors, tout commence à partir de là pour moi. De cette personne mystère que je connais bien, mais que je redécouvre à travers aussi ces mots pour ce moment-là qu'on partage maintenant. Et je me dis, alors, donc, à défaut de savoir quoi, je m'en tiens à peu près à savoir comment. Comment, c'est un geste, a priori, avec une forme qui émerge à l'apparition de ce geste, ou la manifestation d'un geste, dans sa mécanique, dans ses possibles, mais aussi dans ses limites. Puisque ce geste va se répéter encore et encore, inexorablement peut-être, presque malgré soi, ou malgré toi, puisque tu dis aussi que ce geste semble devoir se répéter, comme s'il y avait quelque chose qui était au-delà, et qui va t'amener peut-être vers un état d'épuisement, puisque ce sont aussi tes mots, ou potentiellement d'abandon. Et alors ça m'intrigue en fait, cette forme geste. C'est quoi ce geste? C'est quoi ce geste en fait pour toi? Et qu'est-ce qu'il permet dans tous ces possibles par rapport à ce rapport aux limites corporelles que tu nommes aussi ou que tu développes certaines fois? Alors là, on arrive vraiment au point culminant du mystère, j'ai l'impression. Non, mais c'est intéressant d'entendre ce qu'on a dit ou ce qu'on a écrit dans la bouche de quelqu'un d'autre et puis de se dire waouh, c'est quand même assez cryptique. En fait, ça vient finalement d'une sorte de réflexion que je me suis faite par rapport à ce travail que je fais actuellement avec une guimbarde. Et en fait, c'était simplement une façon finalement de penser à ce qui se passe dans l'utilisation de cet instrument et puis de cette nécessité de répéter, enfin de refaire constamment finalement le même geste parce que c'est un peu ce qui se passe. Et de voir à partir de là ce qui justement se produit en termes de déformation, de déploiement de son, d'histoire qu'on peut se faire par rapport à ça. Aussi finalement la manière dont la mémoire se construit ou se déconstruit aussi dans la répétition. Et puis voilà, après justement l'amorce qui est de dire que à défaut de savoir quoi faire, je sais à peu près comment le faire, c'était justement finalement de me dire que le point de départ, c'est cette action, en fait, plutôt que de se poser la question de la motivation. Enfin, au-delà simplement de faire quelque chose et puis de voir ce qui se produit. En fait. Je ne sais pas si j'ai... Mais le geste, c'est pas que par rapport à la guimbarde, parce que c'est beaucoup plus large. Parce qu'en réécoutant ce matin le disque que tu as produit, je me disais, c'est un geste qui est comme un processus, c'est un geste qui est aussi, que je pourrais entendre ta respiration, par exemple, ou de la marche, comme un geste qui est au-delà. Là, c'est une guimbarde, mais ça pourrait aussi être tout autre chose dans différents... Ça pourrait être un autre contexte. Oui, alors là, la guimbarde, elle révèle quelque chose qu'on peut observer ailleurs, dans d'autres gestes répétitifs du quotidien, ou simplement dans des gestes artistiques. Quand on joue, quand on fait de la musique, on a aussi cette nécessité-là de repasser par les mêmes gestes, les mêmes étapes. Les mêmes lieux, et puis en tout cas chez moi, c'est souvent au travers de ça qu'il y a quelque chose qui se construit, et puis c'est un petit peu un point d'entrée vers un univers, et puis souvent je m'arrête au seuil en étant finalement assez fasciné par ce qui se passe dans cette ouverture, et puis voilà, c'est à partir de là que j'aime bien commencer à travailler quelque chose, plutôt que d'avoir une ambition qui m'amène forcément quelque part, de me dire à partir du moment où je me mets en mouvement, il y a déjà quelque chose qui se produit, qui est en fait hyper curieux, fascinant, et puis qui est suffisamment riche pour qu'on s'y attarde, et puis qu'on le fasse aussi entendre. Et justement, tu dis se mettre en mouvement. Alors là, c'est ce geste minimal de ce battement du doigt qui actionne la guimbarde, mais aussi évidemment tout le mouvement à l'intérieur de la bouche, de la trachée, du larynx, du tout le système respiratoire. Mais tu m'as dit aussi hier, peut-être que je vais me mettre en mouvement. Peut-être que je vais me déplacer. Et donc, ce geste, il s'associe pour moi aussi dans ton travail, justement, à cette notion de déplacement. Et comment cette notion de déplacement, elle nous renseigne sur l'espace. Et il me semble que j'avais aussi noté quelque chose que tu disais. Voilà, tu disais rendre l'espace et y tracer un chemin. Donc, potentiellement pour ce soir, rendre cet espace dans lequel on va y être, et y tracer un chemin. Puis là, ça m'a fait... penser à ce chemin de désir que nous avait transmis Anne Gillot. Alors je me suis dit, est-ce que ce soir, tu vas rendre l'espace potentiellement en te déplacement par ce geste minimal, et peut-être par un geste où tu déploies tout ton corps dans un chemin de désir qui sera le tien sur le moment dans ce processus. Voilà. En fait... Enfin, ce soir, c'est assez particulier parce que le concert que je vais faire va être dans un système ambisonique. Et puis, la propriété de ce système, c'est finalement de restituer un espace ou de créer un espace. Et puis, là, c'est un espace assez particulier parce que c'est un espace vraiment, vraiment minuscule qui est celui qui se déploie devant mon visage ou aussi à l'intérieur de la bouche avec la guimbarde. Et puis, l'idée, c'est finalement de trouver un moyen d'inclure tout le monde à l'intérieur de ce mini-espace, en fait. Et puis, finalement, une des images qui me vient souvent quand je joue de la guimbarde, c'est le fait qu'il y a un peu une sorte d'idée de symbiose. C'est-à-dire que c'est un instrument qui a besoin de moi et puis de ma bouche pour pouvoir quelque part exister et puis produire un son. Et puis, à partir du moment où ça se passe, il faut que moi-même, je me mette quelque part en silence ou en disposition pour que ça se passe. Ce qui pour moi, est quelque chose d'assez particulier, parce que je suis chanteur, et puis mon travail, c'est plutôt d'utiliser ma bouche et puis d'émettre des sons. Et là, il faut que je me transforme en haut-parleur ou en caisse de résonance pour qu'il y ait quelque chose qui se produise. Et puis après, voilà, dans cette ambition ambisonique pour jouer sur les assonances. L'idée, c'est de réussir à partager finalement ce déploiement et puis d'inclure les gens qui viendront écouter tout ça à l'intérieur. Donc il y a déjà un espace qui va se créer, qui va se produire. Qui se produit déjà naturellement quand on joue, mais simplement, comme c'est des sons qui sont des sons très, très, très, très subtils, on ne les entend pas forcément très, très bien. Là, grâce à l'amplification, il y a un partage qui peut se faire, mais il se fait aussi au travers de l'écoute, au travers de l'attention qu'on focalise sur des micro-événements. Enfin, il y a aussi une intentionnalité, puis une dynamique dans l'écoute qui, de toute façon, va faire qu'il va se passer plein de trucs dans la tête des gens, allant de l'ennui à la fascination. ou de l'épuisement à l'abandon. Ou de l'épuisement, voilà, exactement. Ouais. Donc on va avoir l'espace de ta disposition, de ton propre corps, que tu mets à disposition comme caisse de résonance, tu viens de dire. Mais en même temps, quand j'écoute, je ne vois pas que la mise à disposition, parce que j'entends aussi les souffles que tu produis ou les grains de voix que tu fais entendre, qui s'adjoignent à ce que tu crées avec le processus de jouer cette guimbarde de manière mécanique. Donc, tu nous donnes à entendre en fait ton propre espace que tu mets à disposition, en même temps ce geste que tu répètes et avec tout ce qui va potentiellement se produire, et tout ça mis dans un autre espace avec ce système ambisonique qui passe en fait, je me disais aussi, il y a quelque chose de très organique, on passe du micro, du tout petit, du très fragile, presque de l'intime, quelque chose qui pourrait ne pas être tout à fait audible, à un macro, un ultra-macro, sur un système que je pourrais pas décrire parce que je connais pas assez bien, mais qui est quand même assez intense comme ça. Et comment on passe de l'un à l'autre, enfin, qu'est-ce que ça a été pour toi déjà ce chemin de passer de l'un à l'autre? Bon, alors déjà par rapport à la présence de ma voix, ben, fatalement il y a des choses qui m'échappent. Enfin, je ne suis pas une machine, voyons. Donc il y a aussi finalement tout ce qui se produit naturellement dans la voix, dans la bouche, la nécessité de respirer ou de simplement de bouger ou de déglutir. Et puis il se trouve que la guimbarde, c'est un révélateur de ces micro mouvements à l'intérieur de la bouche. Enfin, c'est d'ailleurs grâce à ça que certaines personnes jouent, font des mélodies avec ça. Enfin, c'est un peu sur ce principe que l'instrument fonctionne. Et dans mon cas, ma curiosité, elle s'est plutôt arrêtée sur finalement ce que l'instrument produit en tant qu'instrument. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a déjà une richesse dans ce qui se passe entre la vibration de la languette, du cadre. Et puis là, le travail qui m'intéressait, c'était de trouver des moyens de faire ressortir ça. Après, évidemment, ce qui m'intéresse dans la répétition du geste, c'est l'impossibilité de le répéter, en fait. Et puis finalement, dans l'erreur qui apparaît, qui intervient, ou dans les déformations, ce qui aussi fait un petit peu évoluer le son, la musique, et puis la manière finalement dont tout ça fonctionne, en fait. C'est-à-dire le comportement de l'instrument, mon propre comportement. Et puis, en ce qui concerne l'ambisonique, pour l'instant, c'est un peu une première. Et puis c'est aussi un outil, un instrument que j'apprends un petit peu à connaître. Et puis, d'ailleurs, je ne suis pas seul. Il y a aussi Christophe Egea qui travaille avec moi depuis maintenant un mois, enfin, avec qui on a commencé ce travail dans la perspective d'Archipel. Et puis, enfin, c'est vraiment... Enfin, sans lui, je pense que j'en serais encore à essayer de gérer un Larsen continu. Voilà, donc on entendrait ça. On entendrait un phénomène... électroacoustique, mais enfin voilà, donc toujours est-il qu'il y a un peu, enfin, et puis c'est ce qui est intéressant finalement, c'est qu'il y a un peu toutes ces étapes, c'est-à-dire l'étape qui consiste à appliquer un instrument sur une bouche, à essayer de faire en sorte qu'on entende finalement ce qui se passe, de se rendre disponible pour ça, ensuite de passer sur un système avec beaucoup de haut-parleurs, enfin, je ne sais pas combien il y en a ici, mais enfin, toujours est-il qu'il y a ce système ambisonique qui a aussi son rôle à jouer, son son particulier, et puis en fait, il est déployé aussi dans cette salle qui a aussi sa façon de réagir très très particulière par rapport aux essais que j'ai pu faire dans d'autres contextes avec Christophe Egea où les choses se passaient différemment. Donc, et puis ce soir, il y aura du monde, donc ça va encore changer la donne à plusieurs niveaux. Enfin, le fait d'être tout d'un coup devant un public, le fait que les gens aussi, la présence dans la salle modifie aussi l'acoustique. Enfin, c'est tout un monde qui ne cesse de changer alors que finalement, on part d'un geste ultra simple, a priori, enfin théoriquement, d'un geste très simple qu'on essaie de répéter, mais en le faisant passer au travers de tous ces filtres, il y a finalement plein de trucs complètement dingues qui se passent. Il y a une forme de complexification, de densification, peut-être. Voilà, oui. Ou comment faire entendre ce geste simple, mais mis dans un contexte qui est beaucoup plus dense que la simple occurrence de ce geste s'il est joué hors ce contexte aussi. C'est ça, ben, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire, enfin, si ce n'est de se déplacer, de rajouter un élément supplémentaire, d'aller dans une autre pièce, d'utiliser un haut-parleur, et puis en fait, il se passe déjà plein de choses. Mm. Ouais. Alors, j'ai cherché aussi, parce que ton disque, tu l'as nommé Idiophasie. Alors j'ai, oui. Je pensais savoir ce que ça voulait dire, je me suis rendu compte que non. Alors je ne sais pas si j'ai pris la bonne définition, mais j'en ai pris une que j'ai trouvée, qui était une phase de croissance d'une culture au cours de laquelle des métabolites secondaires sont produits. Alors évidemment, j'ai cherché ce que c'est métabolite, et c'est un produit de transformation d'un corps organique au sein d'une cellule. Et puis en lisant ça, je me suis dit, bah, en fait, ouais, ça illustre très très bien ce que j'entends quand j'écoute ces idiophasies, parce que tu les as mis au pluriel, comme une sorte de processus d'une chose qui grandit, enfin pas forcément d'ailleurs dans une idée de croissance ou de grandir, grossir, mais en tout cas quelque chose qui se déploie, mais au travers de laquelle il y a d'autres choses qui se produisent et qui se transforment comme des effets sonores secondaires, si oui. Je peux dire ça. Et puis je trouvais que... Alors, est-ce que c'est la bonne définition, ou tu avais pensé idiot comme idiome et puis je ne sais pas, phase Alors, c'est... Non, absolument pas. Mais le hasard fait bien les choses, en fait. Mais c'est... En fait, je me... Enfin, je connaissais cette... Enfin, ce terme-là, enfin, sous cette forme-là et cette définition-là. Mais en fait, ce qui m'a... Enfin, je suis parti, en fait, de la guimbarde, qui fait partie de la famille des instruments qui sont des idiophones, qui sont des instruments qui produisent un son à partir de leurs propres matériaux. Enfin, il y en a plein. Et puis, la guimbarde fait partie de ces instruments-là. Et puis phasie, qui finalement fait référence à la parole. Et puis le fait de passer de l'idiophonie à l'idiophasie, c'était simplement l'idée de finalement de d'insister sur le fait que il y a, enfin, finalement, c'est un travail qui pour moi reste un travail vocal au sens où c'est dans la continuité de ce que je peux faire, de ce que je peux faire dans mon travail de chanteur ou de vocaliste. Simplement là, c'est pas que moi qui chante ou c'est peut-être plus moi qui le fais, mais enfin je mets quelque part ma bouche à disposition de quelque chose d'autre. Et puis dans Idiot, il y a aussi quelque chose qui rapproche de la singularité, en fait, de l'idiotie au sens de quelque chose de singulier, de quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à ramener à, je sais pas, à une règle, à une famille. Et puis c'est quelque chose aussi que je trouve intéressant parce que finalement, on part d'un geste qui est un geste unique, qui est un geste singulier, dont la répétition est jamais vraiment clairement réglée, en fait. Donc malgré le fait de parler, finalement, de pouvoir parler d'un geste répétitif, on est quand même souvent en train de reproduire quelque chose qui est chaque fois unique, en fait. Oui, parce qu'il y a plein de temporalités, en fait, dans ta répétition. Il y a des moments qui s'étirent, qui sont très très longs, comme si j'imaginais le cœur qui ralentit à des moments où j'avais même l'impression d'être plongée sous l'eau et d'avoir la perception de ton corps ou de ton espace corporel sous l'eau, comme ça, au ralenti. Et puis d'autres moments où ça s'accélère. Enfin, il y a plein de. C'est évidemment pas une chose mécanique qui se répète de manière droite, on va dire. Mais il y a vraiment des plages très grandes, je trouve, qui se déploient et puis qui du coup font entendre peut-être le même geste, mais d'une toute autre manière. C'est pour ça que j'aimais bien cette idée de forme-geste qui émerge, parce qu'on sent évidemment qu'il y a une forme qui se déploie, mais qu'elle n'est pas forcément, ou alors peut-être que je me trompe, mais elle peut être pensée au préalable, mais j'ai l'impression qu'elle advient avec ce qui se passe. Oui, elle se décide au fur et à mesure. Et puis, c'est ce que disait Nina Garcia tout à l'heure, en parlant de son solo, et puis du fait que c'était pas forcément construit sur un concept, mais aussi, si j'ai bien compris, sur aussi des changements qui se font en fonction de l'envie, du désir, passer à autre chose en fonction de ce qu'on ressent, si on en a marre. Alors dans mon cas, j'ai une marge très très faible. Enfin, ce que je peux varier, c'est la rapidité. Mais voilà, ça se construit aussi quelque part un peu aussi en fonction de la manière dont la concentration se maintient ou se défait. C'est-à-dire que à partir d'un certain moment, j'oublie que j'étais dans telle pulsation, je passe à une autre. Enfin, c'est quelque chose qui finalement, ouais, est assez organique, qui reste assez vivant. Ouais. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous arrêter, mais merci beaucoup à nos deux invités mystères, donc Anouk Janton et Antoine Leng. Et Antoine Leng, tu joues ce soir à 21h, donc dans la grande salle au Festival Archipel.